Dieu. Ah, t'es le bienvenu. Ouais, LRM, engagé, t'es le bienvenu. Ah, premier album. Ouais. Black O, Black O. Viens. Retour encore plus fort, encore plus puissant, plus motivé que jamais, jouissant, morceau retentissant, lissant mes mots sur papier tissant, ma toile LRM, nouveau bois, et mais t'as l'impression que tu l'as depuis 10 ans. J'ai réconforté ceux qui dramatisent, en fait, j'ai faire de l'ombre à ceux qu'on a ma mise, et j'écris sans gêne, sans retenue, visant, créer mon propre empire, négro 10 fois plus grand que celui de Byzance. J'ai avec essence galope comme un moteur 600, chevaux, j'écrase tout, sur ma route, y'a plein de temps, 600, 7, 800, 190, 9, 3, 600, 7, 8, 200, c'est le pinel, c'était pas de nos sympathisants. Dieu, LRM, pris dans le rap, c'est ma prison, j'cris dans le mic. Pour les novices, c'est strident, j'suis pris dans le vibe. Car le rap, c'est une bataille, une compétition. Ma diction et mes dictons, faut que tu kiffes ce son, c'est le fiston. T'es le bienvenu dans mon son, à 100%. Je répète, gros, t'es le bienvenu dans mes textes, dans ma tête. Yo, j't'ai dit, t'es le bienvenu dans mon son. À 100%, je te répète, gros, t'es le bienvenu. Bienvenue, t'es le bienvenu. Ok, je suis revenu faire du bruit. Comme un compète en tête de liste d'affiches, mon palmarès se complète. On guette toute opportunité intéressante. Ce sont plus les sens. Si tu t'approches trop, tu brûles. Nos commentaires, tes cendres. Descends mon véhicule si t'as peur de bombarder. Tu sais que l'heure tourne vite, donc on n'a pas le temps de trop tarder. Je suis revenu en solo, mec, tu trouves ça salaud. Mais quand la relève, si tu te reviendras, ça sera trop salé. Gros, fallait qu'on fasse un break. Ça et les plus jack. Tu croyais qu'on était dead, mais c'est toi qui finis cul. Jack n'aura pas cul de sac. Impossible d'en sortir un. Le virus contamine comme un mine de critères. Commence à sortir, ouvre-moi la porte pour que je me mette au chaud. Mon CD, ça fait plaisir comme avoir 15 têtes dans un pochon. De 10 dollars, tu m'idolâtres quand je pose ma pose. Sans jouer le MC Solar, le bon sens est si qu'on l'a. Gros, t'es le bienvenu dans mon son, à 100%. Je te répète, gros, t'es le bienvenu dans ma tête, dans mes textes, dans ma tête. Ouais, t'es le bienvenu dans mon son, à 100%. T'es le bienvenu, bienvenu. Bienvenue, ouais, LRM, hein. Premier album, écoute ça. Dieu, puis tiens la pro. Black Hole, on est là. Dieu, bien. Écoute, parce que t'es bienvenue, t'es bienvenue, mec. We'll be right back.